Janet Sumba de voir répondre que c'est de là qu'il est ici pour venir ici. Et comme Janet Sumba est maintenant à Paris, il a quitté cette organisation dans laquelle il m'a mené pour aller à Paris. Donc, bien du moins, maintenant, il va à Paris et pour il m'amène là-bas. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis dans l'embarras, non pas. Là où je suis dans l'embarras parce que je suis sur ça. Je n'ai pas beaucoup de choix. Et en plus, là où je suis neuf. Et là, donc, en étant là, maintenant, ils sont en train dans l'église dans laquelle je vais. Parfois, donc, je suis entre deux frères. Comme si c'était. Donc, parfois, je vais dans la dénomination dans laquelle il m'a amené. Et parfois, je vais dans la dénomination de Tchare et Sumba à Paris. Donc si je comprends bien, tu es caméraman chrétien dans les dénominations de Tchare et Sumba ou bien dans l'autre dénomination là aussi. Non, non, ils vont aussi m'introduire dans les dénominations de Tchare et Sumba. Bon, en clair, mon problème en tant que frère junior là-dedans, c'est quoi? J'étais en train de vous faire une histoire bref, quoi. Et à propos de ce verset-ci, le verset-ci, c'est il y a le mot un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Donc, est-ce que c'est un esprit de prière par ce verset? Un esprit de grâce et de supplication? Est-ce qu'on peut dire que c'est un esprit de prière? Voilà. En fait, jusque-là, je ne vois pas le rapport entre ces versets. Le besoin de comprendre grâce, esprit de grâce et supplication et le caméraman de chez Tchare et Sumba et de la vraie église de Dieu. Quel est le rapport d'abord, avant qu'on ne réponde à cette question? Le rapport, c'est moi. Et... C'est-à-dire quoi concrètement? Que c'est toi qu'on a percé? Oui. On te persécute, hein? Tu te souviens dans la dernière émission, dans la dernière façon, je t'avais parlé de que tu es prêt pour tenir pour le faire, Seigneur. Tu avais dit quoi déjà? Oui, j'avais dit. Mm-hmm. Mais prépare-toi. Ou bien tu ne veux plus tenir alors? Non, je n'ai pas dit que je ne veux plus tenir. En fait, le frère a besoin de il a besoin de comprendre que c'est l'église, tout ça. Puisque on le prend et on lui dit non, qu'on l'amène à l'église. Chez Tchare et Sumba ou bien qui. Et encore, on le prend, on l'envoie encore à l'église. De l'autre côté, donc il est partagé entre griffes. Deux églises, si on peut voir. Donc, c'est pas... Non, mais peut-être il a le don de caméraman chrétien. Il a le don de caméraman. Ton don, c'est le caméraman, non, mon cher? Mon don? Oui, oui. C'est ton don dans le corps de Christ, non, caméraman? Oui, c'est ça, ils ont la tâche qui m'ont donné, le qui m'ont donné. Vous-même, vous voyez le problème que j'ai dans le monde ici, n'est-ce pas, frère? Toi-même, tranche ces problèmes-ci. Ça, c'est le moule. Voici ce qui se passe, c'est le moule des dénominations. C'est le système dénominationnel pour pouvoir mateler l'esprit des enfants de Dieu qui sont enfouis au milieu deux là-bas, en fait. Ils vont te donner un poste, tout et tout, pour pouvoir t'embrigader. Là, tu es là, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus sortir. Tu dis, oui, je suis en train de travailler pour le corps de Christ. Mais il n'y a pas de chrétien caméraman. Ça n'a rien à voir. Mon frère, je vais trancher. Pardon. Je voulais dire, je vais trancher vite fait pour toi, mon frère.